La question porte sur les règles de priorité dans les passages étroits. Ici, un panneau précise à quel sens de circulation la priorité est accordée. Si tout se passe bien, la voiture bleue passe la première. La voiture rouge a rencontré ce panneau qui lui indique de céder le passage à la circulation arrivant en face. Réponse A.